donc effectivement un travail mené à trois, deux sociologues et une historienne matinée de sociologie. C'est ce que je dis souvent. Oui, sur des associations de défense des droits des femmes. On s'est intéressé à trois grands réseaux d'associations qui sont présentes au niveau national, mais nous les avons observées et interrogées au niveau de la région des Pays de la Loire, donc un petit peu sur l'ensemble de la région. Et ces trois réseaux, ce sont les associations du planning familial, celles des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, CIDFF, et puis des SOS Femmes qui sont fédérées dans la Fédération nationale Solidarité Femmes. Juste un petit mot de méthodologie pour que vous sachiez qu'on s'est fondé sur une approche qualitative, base d'entretien, que nous avons menée avec des militantes, des salariés, et parmi les salariés, aussi bien des salariés aux différentes fonctions qui peuvent exister dans ces associations, que les directions et militantes, donc en général la présidente, et puis éventuellement d'autres militantes et bénévoles de ces associations. Et on a également utilisé la littérature produite par ces associations, les bilans d'activité, les rapports d'activité et autres documents. Donc ce qui nous intéresse là, donc pour nous caler sur le thème de cette journée, c'est la transmission des idées et des principes, mais en particulier des principes d'organisation, je vais y revenir plus précisément, promus par les mouvements féministes issus des années 70 et qui ont été mis en œuvre dans ces associations-là. Et en particulier à partir du moment où justement elles se sont institutionnalisées en participant à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques concernant les femmes. Et du coup, comme beaucoup d'autres associations, à cette occasion, sont devenues des employeuses de salariés. Mais toutefois, même si on s'intéressera aux salariés, et à ce passage qui fait que les associations sont devenues employeuses, on n'entend pas la notion de travail uniquement pour l'activité des salariés. Les bénévoles travaillent aussi, les militantes travaillent aussi. Toute activité dans ces associations est un travail. Et ça renverra à d'autres textes qu'on a pu écrire. Mais quand on parle de travail, on ne se cantonne pas à l'activité des salariés. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter un petit peu plus précisément ces trois réseaux d'associations. J'utilise le terme de réseau de façon assez générique. D'une association à l'autre, le vocabulaire est différent, aussi bien en termes de militants, bénévoles, réseau, coordination, fédération. Bon, pour pouvoir parler des trois, on choisit un vocabulaire commun dans lequel elles ne se retrouvent pas forcément en tant que telles. Donc ce sont trois réseaux associatifs qui sont nés des mouvements féministes des années 70 et qui ont connu pour la plupart des associations un fonctionnement d'abord exclusivement militant. C'est complètement le cas pour les plannings familiales, pour les SOS Femmes aussi, un petit peu moins pour les CIDF, on va y revenir. Et aujourd'hui, elles ont toutes des salariés. Toutes, quand je parle des réseaux, par contre, si on regarde individuellement chaque association locale, on a, pour les plannings en tout cas, pour les SOS aussi, encore un certain nombre d'associations locales qui fonctionnent uniquement avec des militantes et des bénévoles et pas de salariés. Mais la majorité ont des salariés. Donc le planning familial, pour commencer par l'association la plus ancienne, est une association qui, initialement, ne se déclarait pas du tout et ne se revendiquait pas du tout du féminisme. C'est en 1956 l'association Maternité Heureuse, fondée par Evelyne Sullerot et pour le développement de l'information sur la contraception, pour le contrôle de la maternité, justement, pour arriver à cette maternité heureuse. Une association qui ne se revendique pas féministe au départ, qui est fondée par des médecins et... Quand je dis Evelyne Sullerot, c'est pas seulement Evelyne Sullerot, c'est d'abord des médecins dont le professeur veille aller et donc une optique médicale et pas féministe dans un premier temps. Mais qui est investie très très largement par les féministes dès les années 60 et même avant, dès la fin des années 50, et qui devient un mouvement français pour le planning familial en 1960. Et pour rester sur les dénominations, en 2008, le mouvement français pour le planning familial a encore changé de nom pour devenir le planning familial tout court, qui est finalement un peu une... le fait, bon, ça entérine un peu le fait que tout le monde parlait du planning familial, mais le nom officiel était jusqu'en 2008 Mouvement français pour le planning familial. Donc dans ce cadre, les premiers centres de planification ont ouvert en 1961 à Grenoble, le premier, et pendant un certain nombre d'années exercent leur activité d'information sur la contraception en toute illégalité, puisque jusque à la loi Neuwirth en 1967, on est sur une interdiction de diffusion d'informations sur la contraception. Mais ceci dit, même après, la loi Neuwirth autorise la contraception, mais interdit toute publicité en dehors des revues médicales. Donc les associations poursuivent leur combat, et il va s'amplifier au début des années 70 sur le terrain de l'avortement, de la défense du droit à l'avortement. Les missions de ces plannings familiales sont donc centrées autour des sexualités et des relations amoureuses, de la contraception. C'est un lieu de parole et d'accompagnement concernant sexualité, relations amoureuses, contraception, interruption volontaire de grossesse, maladies sexuellement transmissibles, mais aussi problèmes de violence. Et les modalités d'action de ces associations sont diverses. C'est à la fois des permanences d'accueil, mais c'est... Dans la plupart des cas, mais pas toujours, on a un certain nombre de plannings familiaux qui n'en ont pas, des centres d'orthogénie, donc qui font intervenir des médecins, des gynécologues, et qui peuvent prescrire de la contraception. Et donc ces centres d'orthogénie ne sont pas systématiques dans les plannings. Ce sont aussi les modalités d'action. On passe aussi par des animations extérieures, des animations en milieu scolaire, auprès de professionnels du médico-social. Ce sont des personnes relais, ce sont aussi des stages de sensibilisation, des interventions très diverses dans un but vraiment d'information, de diffusion de l'information dans tous les milieux, dans toutes les zones géographiques aussi. Et ce travail est assuré par à peu près 1200 aujourd'hui animatrices et animateurs, parce qu'il y a, même s'il y a une très grande majorité de femmes parmi ces salariés, il y a aussi quelques hommes, donc des animatrices et animateurs qui sont répartis dans 70 associations départementales réunies dans 20 fédérations régionales, et qui interviennent, donc ces professionnels interviennent aussi dans des établissements, dans d'autres types d'établissements. Et pour donner un ordre de grandeur du public qui est touché par ces associations, le planning est en contact avec environ 350 000 personnes par an. Donc, bien sûr, pas seulement des femmes, hein, majoritairement, mais des jeunes hommes aussi, des jeunes couples. Donc, je l'ai dit, ce n'est pas un mouvement qui se déclare d'emblée féministe, mais il est investi par les féministes dès le tout début des années 60, et il se déclare officiellement mouvement féministe au congrès de 1983. Donc depuis 1983, les choses sont officialisées, institutionnalisées. Deuxième grand réseau qui nous a occupés, c'est la Fédération nationale Solidarité Femmes, qui regroupe principalement des associations intitulées SOS Femmes, mais certaines de ces associations portent un autre nom. Dans ce cas-là, donc ces associations-là sont un petit peu plus récentes, puisqu'elles elles sont créées pour les premières d'entre elles dans les années 70 par des féministes issues du mouvement des femmes, qui s'unissent pour dénoncer les violences faites aux femmes, et tout particulièrement les violences conjugales. Souvent, ce sont des femmes qui se réunissent parce qu'elles ont des cas parmi leurs amis, parmi leurs proches, et qu'elles essayent de trouver des solutions. Elles se disent qu'il faut faire quelque chose. Donc, elles créent des lieux d'accueil, d'écoute et d'hébergement qui sont gérés par ces associations. Et ces associations se fédèrent en 1987 au sein de cette Fédération nationale Solidarité Femmes. Et ce que partagent ces associations, c'est une analyse sociocritique de la violence à l'encontre des femmes, inspirée de la pensée féministe. Aujourd'hui, on compte entre 65 et 70 associations membres qui suivent, elles, chaque année, à peu près 30 000 situations de femmes victimes de violences conjugales. Leurs missions sont d'écoute, d'accueil, de mise en sécurité des femmes victimes de violences, mais elles ambitionnent également de faire reconnaître les violences faites aux femmes comme un phénomène de société et comme un phénomène à analyser comme une manifestation de l'inégalité persistante entre les hommes et les femmes. Elles veulent également être une force de proposition et d'interpellation de l'opinion publique sur ces questions de violences faites aux femmes. Donc, des permanences d'accueil pour ces associations-là aussi, aussi bien physiques que téléphoniques. Et en particulier, c'est ce réseau associatif qui gère depuis une quinzaine d'années le service national d'écoute Femmes Info Violence, le numéro 3919. Pour un certain nombre d'entre elles, elles gèrent également des CHRS qui permettent d'héberger les femmes victimes de violences. Par exemple, dans la région des Pays de la Loire, l'une des associations SOS que nous avons interrogées était de création très très récente. Elle datait de 3 ou 4 ans quand on l'a interrogée. Donc les créations continuent et s'échelonnent dans le temps en fonction des lieux. Le dernier réseau, pour terminer sur la présentation de nos associations, c'est celui des centres d'information sur les droits des femmes et des familles, les CIDFF, qui ont un mode d'émergence un petit peu différent, puisqu'ils sont fondés en 1972. Alors, on peut dire soit avec l'encouragement fort, voire à l'instigation du gouvernement. Et elles vont dépendre d'ailleurs du Premier ministre un certain temps. Et les premiers CIDF, donc, même si ce réseau créé à partir de 72 à l'instigation gouvernementale se fonde quand même sur des associations qui existent déjà de façon moins formelle et voire dispersées. Avec en 1981 l'arrivée du gouvernement socialiste au pouvoir, on a une nouvelle vague de création qui va amener à renforcer la structuration en réseau, à augmenter le nombre d'associations et à essayer de viser la création d'une association par département, voire parfois davantage, puisque dans la région des Pays de la Loire, on a un département qui a deux associations, l'une à Nantes et l'autre à Saint-Nazaire. Et avec une structuration qui est à plusieurs niveaux et qui est différente aussi d'une région à l'autre, puisque dans certaines régions, il y a une union régionale et dans d'autres, non. Mais il y a de toute façon un centre national, un niveau national, avec le centre national des centres d'information. On compte aujourd'hui 114 associations locales qui couvrent toute la France métropolitaine et qui sont également présentes dans les départements d'outre-mer à travers plus de 1000 permanences qui sont implantées aussi bien en milieu rural que urbain et en zone sensible. Et ces CIDF sont agréés par l'État pour des périodes de 3 ans pour exercer leur mission qui est considérée comme d'intérêt général. Donc leur mission, c'est à travers l'accompagnement des femmes, l'information et l'orientation des femmes et des familles, mais quand même principalement des femmes, de favoriser justement l'autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ces CIDFF fonctionnent avec des équipes qui sont composées de juristes qui viennent apporter justement une information juridique, de conseillères à l'emploi et à l'insertion professionnelle, et puis de psychologues et, dans certains cas, de conseillères conjugales et familiales qu'on retrouve beaucoup plus au planning familial, par exemple. Pour ce qui est de la référence au féminisme, ces CIDFF, initialement, sont extrêmement divers. On a une grande hétérogénéité qui persiste d'ailleurs aujourd'hui, selon les départements, selon la période à laquelle les associations ont été constituées. On a vraiment toute la gamme, depuis les féministes bourgeoises jusqu'aux militantes féministes radicales. On a vraiment des choses très très différentes, et même sur une même région, on peut avoir des orientations extrêmement différentes à ce sujet. Par rapport à cette question du féminisme, justement du fait de l'émergence institutionnelle de ce réseau associatif, il s'est trouvé pendant longtemps dans une situation assez contradictoire, paradoxale, où il avait, ce réseau avait de fait une implication très, très forte et nette dans la défense des droits des femmes et œuvrait très clairement en faveur de l'autonomie et de l'égalité entre les hommes et les femmes, mais avait une interdiction institutionnelle de se référer au féminisme du fait de ses liens avec l'État, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, le réseau a évolué et évoque clairement le féminisme comme référence démocratique au fondement de ses missions. Si je me souviens bien, c'est l'inscription dans les statuts date de 2003. Peut-être. Donc voilà des émergences assez différentes, des modes de fonctionnement aussi, et des types de salariés qui peuvent être aussi un peu différents, mais une mission générale, disons, un type de mission qui est partagée par toutes ces associations. Alors, à des périodes là encore différentes et sur des modalités différentes, mais pas forcément différentes seulement d'un réseau à l'autre, mais largement autant d'une association locale à l'autre, on a eu l'apparition des salariés, la salarisation dans ces associations-là, qui a été favorisée par la reconnaissance de leur activité, qui a amené à partiellement un financement par les pouvoirs publics de leurs activités, et donc du coup elles sont progressivement devenues employeuses. Martine l'a rappelé, la quasi-totalité des salariés de ces associations sont des femmes. Alors parfois c'est volontaire, sur certains postes elles n'envisagent pas d'embaucher des hommes, et en particulier les postes qui sont en contact avec les femmes victimes de violences ou de violences conjugales, parce que non pas que des hommes ne peuvent pas traiter de ces questions-là, mais là elles considèrent que en l'état actuel des rapports sociaux entre les hommes et les femmes, la parole des femmes ne peut pas être aussi libre devant un homme que devant une femme, surtout en situation de fragilité comme celle des femmes victimes de violences. Donc sur certains postes, c'est une règle de n'embaucher que des femmes. Sur d'autres, comme par exemple les conseillers et conseillères emploi et insertion professionnelle, là, il peut y avoir, des hommes. Et de fait, il y en a quelques-uns. Donc ces emplois qui se sont développés ont des caractéristiques qui sont quand même souvent défavorables, même s'il y a des différences entre les associations. Défavorables à quel titre? D'une part, et c'était d'autant plus vrai quand on était proche des premières salariées, ça l'est un petit peu moins aujourd'hui, même si ça le reste dans certains cas, beaucoup de contrats atypiques. Elles ont eu beaucoup recours aux contrats aidés, pour les premiers emplois en tout cas. Un recours massif au temps partiel, ça c'est quelque chose qui est fréquent et qui est général dans le monde associatif, mais quand on regarde les associations de défense des droits des femmes, ces trois réseaux-là, c'est encore plus vrai. Le temps partiel est vraiment quasiment systématique. Des salaires qui sont souvent bas, voire très bas. Mais ce n'est pas forcément toujours le cas non plus. Ça va dépendre de beaucoup de choses, et en particulier du fait que l'association soit rattachée ou non, à une convention collective, adhère ou non à une convention collective. Et là, on a à peu près tous les cas de figure pour les trois réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, pour le réseau SOS Femmes, certaines associations se réfère à la convention de 66, convention collective de 66, qui est considérée comme la plus favorable. Certaines se réfèrent à celle de 51. Certaines ont des accords SOP et d'autres sont simplement sur le droit du travail, pas de convention collective, pas d'accord. Donc, dans un même réseau, on a des choses très très différentes. Et c'est valable pour les trois réseaux. Ce qui fait que, quand je parlais de temps partiel massif, ça peut amener un certain nombre de salariés à multiplier les employeurs, et on a un certain nombre de cas de salariés qui peuvent avoir par exemple un mi-temps au CIDF et un mi-temps en planning, et qui du coup peuvent comparer les conditions et peuvent dire ah ben, à cet endroit là c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a la convention 66, et par contre Dans cette autre association, ça l'est nettement moins. Et on a aussi, dans ces multi-employeurs, un autre cas de figure qui est celui des salariés qui vont travailler, par exemple, pour deux plannings différents, dans deux départements contigus. Donc, voilà, pour essayer de contourner cette quasi-règle du temps partiel, la multiplication des employeurs. Autre élément indicateur de cette faible qualité d'emploi, c'est une faible reconnaissance de la qualification. Reconnaissance en termes salarial, on peut dire que c'est particulièrement le cas pour les conseillères, non justement pas conseillères, c'est pas le bon mot, elles n'ont pas le droit de l'utiliser, pour les informatrices juridiques qui donnent le conseil juridique dans les CIDFF. Elles sont recrutées à Bac+4. Donc, elles ont une qualification reconnue en droit du travail, droit privé. Et par contre, le niveau de salaire n'est pas tout à fait concordant. Donc, une faible reconnaissance de la qualification et puis des perspectives de carrière limitées qui sont, là encore, c'est une caractéristique du monde associatif de façon générale quand il y a peu de salariés, du coup, peu de niveaux hiérarchiques et donc peu de perspectives de carrière. J'ai évoqué la présence d'hommes tout à l'heure. Juste un petit mot sur ces salariés hommes pour dire qu'ils sont effectivement très peu nombreux, pas sur tous les postes, mais que quand ils sont présents, ils ne semblent pas occuper exactement les mêmes. Ils semblent occuper une position, disons, un petit peu à part, ne serait-ce que par le fait que. Ils sont beaucoup plus. Ce qu'on a pu observer, ce n'est pas forcément généralisable, hein, puisqu'on était sur une région, mais ce qu'on a pu observer, c'est que quand il y avait un emploi à temps plein, c'était l'homme qui l'occupait. Ça n'est pas extrêmement surprenant, mais ça peut l'être dans des associations féministes, un peu plus. Donc, on peut se demander aussi, je vais y revenir, cette question de la transmission du féminisme et des valeurs qui préside à l'action de ces associations, elle est attendue de la même façon quand il s'agit de salariés hommes ou de salariés femmes. Donc, je vous rappelle le titre de notre intervention, ces associations de défense des droits des femmes, entre transmission du féminisme et reproduction du féminin. Donc, je vais commencer par aborder cette question de la transmission du féminisme. Je terminerai sur le deuxième volet, reproduction du féminin avec des guillemets, j'y tiens. Alors cette question de la transmission du féminisme dans ces associations, elle est complexe parce qu'elle est multiniveau. À la fois, on peut la poser en demandant transmission de qui à qui, entre qui et qui, en évoquant à la fois la question des générations, mais aussi la question des militantes et salariées. Et puis, on peut aussi la poser en s'interrogeant sur transmission des valeurs du féminisme, sur quelle dimension de l'organisation. Est-ce que c'est seulement sur les valeurs qui vont guider les missions et la façon dont on va remplir les missions auprès des femmes qui vont être les bénéficiaires des services de ces associations, les usagères de ces services, ou est-ce que c'est, et c'est ce qui nous intéresse le plus finalement, dans les principes organisationnels qui vont faire fonctionner ces associations. Et c'est sur ça que je vais peut-être m'étendre un petit peu plus. Donc, transmission dans un premier temps entre qui et qui. Donc d'une part, entre militantes d'une génération à l'autre, ça, la question est assez vite réglée, entre transmission d'une génération à l'autre. De façon générale, elle se fait. Parfois même si on prend l'exemple des CIDFF, on peut même dire qu'elle s'officialise, qu'elle s'est renforcée, qu'elle s'est officialisée, puisque pendant longtemps, il ne pouvait pas être question de se revendiquer du féminisme, de parler de féminisme. Aujourd'hui, la secrétaire générale du CNIDFF affirme haut et fort, nous sommes une organisation féministe, c'est dans les statuts, etc. Donc là, la transmission, elle se fait, avec quand même une nuance forte, c'est que il n'y a pas un féminisme dans ces associations. Bien entendu, bon, j'ai fait l'économie de définir le féminisme parce que ça nous aurait pris beaucoup de temps et qu'en plus, c'est extrêmement compliqué parce qu'il n'y en a pas un. Et de fait, dans chaque association, il y a différentes nuances, différents courants et avec, dans certains cas, certaines trouvant les autres pas assez féministes ou pas féministes comme il faut. Mais le féminisme, il est là et quand il est question d'échanger sur... quels services et quels on veut offrir aux femmes en difficulté, là, elles se retrouvent. Transmission du féminisme entre militantes et salariés, à partir du moment où il y a des salariés, là, on a des situations extrêmement variables, aussi bien d'un réseau à l'autre, que d'une association à l'autre, que d'une époque à l'autre, et en particulier en termes de période dans le cycle de vie de ces associations. En particulier, on peut distinguer les périodes où les premières salariées arrivent dans ces associations. La plupart du temps, les premières salariées, ce sont tout simplement les militantes qui deviennent salariées. Donc là, la question de la transmission du féminisme, elle se fait, entre guillemets, naturellement, puisque ce sont les mêmes personnes qui changent de statut. Par contre, à partir du moment où le recrutement, parce que justement le militantisme ne suffit pas toujours sur certaines fonctions et l'engagement ne suffit pas toujours, à partir du moment où les salariés sont recrutés en externe, en particulier sur des qualifications professionnelles comme un diplôme du bac plus 4 en droit, voilà, ou un diplôme de conseil conjugal et familial, enfin une formation, un diplôme de conseil conjugal et familial, qui est dispensé aussi par ces associations, je n'ai pas le temps de m'étendre. Là, les choses se compliquent. Et questionnent et interrogent beaucoup les associations. Et elles tentent différentes choses en ayant souvent du mal à trouver la bonne mesure et la bonne formule, je dirais. Cette transmission du féminisme, elle peut être attendue et du coup être intégrée dès le recrutement. C'est-à-dire qu'au moment où on recrute les salariés, dans certains cas, on va tester les salariés sur leurs valeurs, pour s'assurer que, par exemple, on ne va pas embaucher au planning familial quelqu'un qui est farouchement opposé à l'avortement. Ce serait un petit peu gênant. Les membres du CA, qui sont des militantes, qui recrutent, ce sont des bénévoles qui sont les employeuses hein, dans les associations, elles vont tester les valeurs des candidates au poste. Après, elles peuvent aussi se rendre compte que quelqu'un qui est bien préparé et qui sait ce qui est attendu peut aussi avoir le discours convenu qui est attendu et ne pas forcément avoir tout à fait l'engagement correspondant. Ça, ce sont des questions qui se posent. Ce qui revient beaucoup aussi, c'est que les associations comptent beaucoup sur une acculturation. Une acculturation qui se fait en situation de travail, dans le contexte de ces associations-là. Et cette acculturation, elle va se faire de différentes façons. Elle est à la fois informelle, mais elle est aussi plus formalisée, c'est-à-dire qu'elle va aussi passer par de la formation, interne, par des stages, par des échanges plus ou moins formels, par des lectures partagées. Elle se fait de façon assez informelle par l'activité même, mais elle se fait aussi de façon organisée par les associations pour justement s'assurer que cette acculturation se fait. Et ce qui ressort assez souvent des entretiens, c'est que, c'est quelques phrases qui sont assez représentatives, il me semble, c'est on n'y vient pas par hasard. Dans ces associations-là, c'est que déjà on a une sensibilité, même si on n'a pas formalisé, on ne s'est pas engagé précisément, on a une certaine sensibilité à ces questions-là, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes principalement. On entend aussi celles qui ne partagent pas les valeurs, elles ne restent pas. Surtout que ce n'est pas le salaire qui va pouvoir motiver à rester, ou, ni toujours les conditions de travail. Ce qu'on a aussi plusieurs fois entendu, c'est même si on n'est pas féministe en arrivant, on le devient. Avec ce qu'on voit, ce qu'on entend, on ne peut pas ne pas le devenir. Donc soit on part, soit on le devient, finalement. Donc l'acculturation, elle se fait par différents moyens. La seule exception, je dirais, qu'on ait pu vraiment voir qui perdure, C'est peut-être du côté des hommes, où je pense en particulier à une organisation dans laquelle il y a un homme qui est salarié, qui est à temps plein, effectivement, et qui lui revendique haut et fort « je ne suis pas féministe ». Et qui se voit renvoyer à chaque fois, particulièrement par les militantes, « mais si tu n'es pas féministe, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu restes là ?» Mais qui le dit. Et mais en même temps, on peut se demander, c'est vraiment une interrogation, si cette attente d'une adhésion aux valeurs du féminisme n'est pas plus forte envers les salariés femmes qu'envers le peu de salariés hommes. La question, enfin, moi je suis militante, je dirais, enfin, j'étais présidente d'une association jusqu'à il y a 2 ou 3 mois, qui s'appelle l'ESCAL et qui s'occupe des violences faites aux femmes, qui est dans la fédération nationale, et qui est à Gennevilliers, et qui est une grosse association liée à Flora Tristan. Et les hommes que j'ai vu passer là, pour répondre à tes questions, c'était souvent quand même des hommes qui faisaient du gardiennage, des courses. Du lessivage de murs, qui étaient un peu comme des maîtres de maison, on dirait, mais qui ne faisaient CHRS, pas le. Pas voilà, dans les CHRS, d'accord. Qui faisaient le travail lourd. Hein, bon, alors, souvent sous contrôle d'une femme, par exemple, on a une femme, d'accord. Michel, qui a un diplôme de. Comment je dirais. Je ne sais plus comment, quel est le diplôme de travail social, qui est un peu chef d'équipe. Et qui contrôle le monsieur, qui lui va s'occuper de tout travail un peu lourd, quoi, lourd, dur, pas marrant, quoi, faire matériel, voilà. Et quand on a recruté récemment pour remplacer les congés de maternité, parce que ça c'est une vraie question que vous n'avez pas abordée, mais que j'aborde parce que j'ai pas terminé, mais je vais pas l'aborder. 8 ans que j'ai vu des congés de maternité tous les 2 mois par flopper, parce que c'est que des jeunes femmes qui viennent travailler au départ. Hein. C'est les premiers diplômes, donc c'est normal qu'elles fassent des enfants. Et très souvent, comme elles sont très très fatiguées de travailler dans ces associations qui sont très dures, hein, c'est très très dur. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de temps partiel, parce que c'est pas possible d'écouter la misère du monde 35 heures par semaine. On est bien d'accord. Fou, hein. Donc elles prennent 10 heures, 15 heures, 20 heures maxi, ce qui est déjà beaucoup. Et puis, au bout d'un an, elles en ont marre. Bon, elles sont mariées, elles font un enfant, ou elles ne se marient pas, enfin, elles font des enfants. Donc, elles font tout en série. Il y a une contagion bébé. Là, on a encore dans le problème cette semaine. À nouveau, on dit, ah, mais c'est pas vrai, comment on va faire? Donc là, on recrute large. Donc, on voit plein d'hommes qui candidatent, et on est tenté de prendre des hommes. Hein, on est tenté. En se disant, tiens, bon, ça équilibrera un peu. Et puis, on se rend compte qu'ils n'ont pas les mêmes valeurs. Ben oui. Ou alors, quand on les recrute et qu'on les met, parce qu'on est très, je dirais, pour faire un peu tordu, je dirais, dans nos fonctionnements, enfin, on en est consciente, mais on le fait quand même, souvent, on va mettre en deuxième place un homme. Attends, mettons féministe, mettons, il y a 10 personnes qui candidatent, allez, on va en sélectionner 4. Hein. La première va être une femme qui va correspondre exactement au profil qu'on veut. Le deuxième, ça sera un homme. Bon, on sait très bien que la femme va prendre le poste et puis qu'on ne prendra pas l'homme. Ou alors l'homme est handicapé. C'est, souvent j'ai vu ça. Un monsieur handicapé. Et puis on lui. Alors là, il n'est pas dangereux, on estime qu'il n'est pas dangereux. Et puis on le mettra à la comptabilité, par exemple. Hein, voilà. Donc j'ai dit des choses comme ça parce que je l'ai vu. Mais ça veut dire. Oui. Enfin, voilà. Je pense que je vais peut-être terminer puis on pourra revenir. Parce que. Ça me pose la question aussi de la détermination du poste. Ah parce oui, que si ça. On détermine après où on le met, ça m'interroge un peu. Oui, oui, oui. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Adhésion. Il y avait le mot adhésion. Oui, voilà. L'expérience commune. D'accord, la culturation. Ouais. Mais voilà, donc du coup, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est pas tant donc, cette transmission du féminisme en tant que valeur qui porte les missions, que plus spécifiquement la transmission du féminisme dans sa traduction en principe d'organisation et de fonctionnement de l'association. Alors, qu'est-ce qu'on entend par ces valeurs de féministes d'un point de vue organisationnel? C'est par exemple le refus de la hiérarchie. Ça, c'est un principe qui a été au cœur voilà, de la création de ces associations et qui, donc c'est le refus d'une hiérarchie qui reviendrait à une confiscation du pouvoir. Ça n'a pas la même force et le même positionnement dans les trois réseaux. C'est moins fort dans les CIDFF par exemple, mais au planning c'est très net, avec le fait qu'on a du mal à concevoir ne serait-ce que d'avoir une directrice. Ça, c'est compliqué. Il y a un poste de direction uniquement quand il y a centre d'orthogénie et la direction doit obligatoirement être occupée par un médecin. Mais le reste, on parle de gestionnaire parce qu'il ne peut pas être envisagé de parler de directrice. Oui, selon les endroits, mais oui, gestionnaire ou coordinatrice, mais pas directrice. Donc là, on retrouve des traces d'une critique féministe des modes d'organisation qui met en avant la nécessité d'un empowerment des femmes et de cette autonomisation, supprimer les barrières institutionnelles entre catégories et essayer de favoriser la participation de toutes et tous et la rotation du leadership. Deuxième principe du féminisme qui est fort dans ces organisations, avec des nuances encore une fois selon les réseaux, c'est le refus de l'expertise. Le refus de l'expertise, le refus de considérer qu'il y a celle qui sait et les autres qui vont bénéficier de son savoir. Ce qui amène à dire aussi que les bénéficiaires des services sont considérés comme ayant la même expertise que les personnes qui les accueillent. Y compris les professionnels, que ce soit les militantes ou les professionnels. Au moins dans un premier temps, c'est-à-dire que dans certaines associations, ça a fonctionné complètement comme ça pendant très longtemps, et puis au bout d'un moment, elles se sont rendues compte que ça posait aussi des problèmes, voire des dysfonctionnements, quand on a des bénéficiaires, enfin des femmes accueillies, victimes de violences, qui finissent par devenir et militantes, puis ensuite salariées, mais qui n'ont pas forcément eu la formation, ou en tout cas le recul nécessaire pour se protéger en tant que salariée quand elles sont elles-mêmes face à d'autres femmes victimes de violences. Mais ce refus de l'expertise, il est vraiment très fort aussi. C'est aussi un principe fort dans ces organisations. Et puis le troisième, c'est l'importance accordée au collectif. Le fonctionnement collectif, ce qui alourdit aussi les modes de fonctionnement, parce que il faut passer par des décisions collectives, etc. Et ces deux niveaux, celui de la transmission des valeurs comme guidant les missions et les façons de les accomplir, et féminisme comme principe d'organisation qui va amener à un certain mode de fonctionnement qui est différent de celui d'autres types d'organisations, c'est important de le distinguer parce que ça va permettre aussi, par exemple, de distinguer pour les salariés engagement féministe en valeurs, c'est-à-dire est-ce que les salariés vont se référer à la pensée en termes de rapports sociaux de sexe quand elles vont intervenir, etc., ou engagement féministe en temps consacré et en particulier en temps donné à l'organisation au-delà du contrat de travail. On peut être féministe, les salariés peuvent être féministes en valeur et complètement, mais ne pas accepter l'engagement au-delà du contrat de travail, ce qui n'est pas toujours entendu par les militantes employeuses qui, elles, donnent sans compter leur temps. Donc ça, c'est quelque chose d'assez source de tension, voire de conflit. Et finalement, ces principes organisationnels hérités du féminisme, ce qui est intéressant et qui m'amène à la dernière partie et à la dernière partie du titre, c'est qu'elles vont induire une difficulté à reconnaître les compétences professionnelles de ces salariés. Parce que justement, si on refuse l'expertise, si on refuse la hiérarchie, si on est sur le collectif et le partage, c'est plus compliqué de reconnaître la compétence spécifique des salariés. Et du coup, ces compétences peuvent être naturalisées, même si les bénévoles et militantes, en particulier celles sur le conseil conjugal et familial, elles sont aussi formées. Mais du coup, ça fait vraiment des débrouillages. Et ça m'amène à la dernière partie de notre titre, « Reproduction du féminin », qui est un peu provocateur et un jeu sur les mots. Par reproduction du féminin entre guillemets, ce qu'on met derrière, c'est reproduction du système de genre, plus précisément, pour être plus rigoureuse dans les termes, puisque finalement, en dépit de leurs valeurs féministes, ce qu'on constate, c'est qu'au quotidien, les conditions de travail dans ces associations diffèrent peu de celles de la plupart des femmes dans les missions, dans les métiers, les activités de service, et tout particulièrement quand on va vers les activités qui relèvent du care, du prendre soin, où là, on est en plein dans ces activités de care. Et du coup, ce n'est pas le monde associatif qui fait que ces emplois sont dégradés, c'est le fait qu'on soit dans du service, dans du care, pour lesquels il y a peu de reconnaissance, voire pas de reconnaissance. Évidemment, on peut considérer que de la part d'associations féministes, c'est plus étonnant et elles auraient pu être plus vigilantes par rapport à ça. Mais c'est aussi peut-être, alors avec toutes les contraintes qu'elles ont aussi, mais c'est aussi la force de ce système de genre que de s'imposer jusque dans ces associations qui sont par définition beaucoup plus attentives à ces questions. Donc on a des associations militantes qui du coup vont avoir aussi une demande d'engagement personnel et une pression à l'engagement qui est d'autant plus accrue qu'on est dans ces associations militantes et qu'on a une place importante laissée au rapport intersubjectif qui est aussi qui peut aussi être lié à certains de ces principes issus du féminisme et ce qui rend difficile l'analyse des conflits de travail, des conflits internes en termes collectifs et non pas seulement inter-individuels. Et cela, et ces conflits, ils peinent du coup à être exprimés, d'autant plus que les salariés se sentent en accord avec les objectifs de l'organisation et qu'en plus, elles sont informées et pleinement conscientes de la fragilité financière de ces associations qui dépendent de financements non pérennes, toujours à consolider, à retrouver, à reconstruire, et de plus en plus avec le passage des modes de financement par subvention au mode de financement sur projet qui fragilise encore plus ces organisations. Pour conclure, il nous semble donc que on peut se demander si les valeurs féministes portées par ces associations les mettent à l'abri de cette reproduction du système de genre dans leurs relations salariales. Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas vraiment le cas. Mais on peut aussi se dire que dans ces associations, dans ce secteur associatif, on peut voir une esquisse possible d'un nouveau rapport à l'emploi qui, justement, est porté par ces valeurs féministes et ces principes d'organisation. Mais pour l'instant, le rapport n'est pas spécialement favorable à la généralisation de ce type de rapport à l'emploi. Mais j'essaye d'aller vite parce que je vois que le temps passe. Peut-être pour terminer, je voudrais dire qu'on est bien donc, dans ces associations entre transmission du féminisme et reproduction du genre. Ce n'est pas une position tranchée, c'est une position qui oscille, qui cherche sa place entre les deux, bien sûr en essayant d'être davantage vers la transmission du féminisme, mais qui n'échappe pas à la reproduction du genre, avec des jeux variés et nuancés, mais que, notamment à travers les processus de professionnalisation que ces associations ont engagés, elles tentent justement de retourner les choses et de subvertir ce système de genre, et que la professionnalisation est vraiment quelque chose d'important, même si elles ne sont pas toujours en position de force pour pouvoir aboutir ce processus, mais elles sont attentives à le soutenir et à essayer de le faire advenir. Voilà, merci.